samedi divertissant. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Stéphanie nous cuisinera un dernier petit plat pour la route dans Master Chef. On achètera des gadgets dont on devrait se foutre dans 16, ça devrait bon là. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées, assemblage requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de Six Fois à Trois-Rivières en ce mercredi 17 décembre 2014. J'ai l'impression de sentir le petit chien mouillé, Steph. Toi, ça, comment ça? Je peux pas dire que c'est tout 30 dehors. J'ai l'impression de sentir la pluie. C'est 30 dehors? C'est 30. C'est le chaud et 30 dehors. Ah, je sais pas. Ouais. T'as eu un livre, hein, c'est ça? Ouais, mais me semble que même en me rendant au studio, j'ai pas trouvé ça particulièrement tremble. Ouais, c'était tremble. Glissant, oui. Aussi, ben, je suis arrivé sur le coin du Caps ici, puis j'ai passé proche, évidemment, de me péter à gueule comme à tous les jours, parce que Colin, c'est le spot où ils mettent pas de sel, j'aurais fait attention, tu sais. Mais ils mettent du sel? Ben, ou de la terre, je pense. Non, mais plus, t'es sûr qu'ils font ça sur le campus? Il me semble qu'ils mettent quelque chose. Ils font vraiment des efforts? Je pense qu'ils prennent une salière, genre. C'est celle qui a pas les repas de la cafétéria, je pense qu'ils en mettent un petit peu. Ah, ouais, ils font ça à coups de sachet, là. Ils ouvrent un petit. Ah, tes souhaits. Ils ouvrent des petits sachets sur le campus. C'est pour ça que c'est long et qu'ils peuvent pas en mettre partout. C'est ça. C'est long un peu. Merci pour le à tes souhaits. donc, c'est ça, j'étais en train de glisser, de péter à gueule. Une dame de l'autre côté du chemin m'a vu, tu sais. Puis après ça. Toi? Non, elle s'est mise à faire un petit sprint jusqu'à son char. J'étais comme, man, t'as pas compris le message? C'est parce que je viens juste de passer par, je vais me planter. Fait que, cours pas. Ben, elle voulait peut-être te faire de l'attitude. M'impressionner, c'est ça. Hein, le jeune. Hey, t'es-tu à ta haut? Non, au moins. Ah. Un petit jupe courte, bas collant. Donc, c'est assemblage requis qui débute à l'instant, Steph. Je sais que toi, d'ici la fin, tu vas nous faire Master Steph. Ah, mais c'est sûr. Ben oui, je pense que t'es en train même de regarder si tout ça va être beau à regarder, c'est ça? Non, pas regarder tout. Non, pardon. Donc, Master Steph à 9h. On va aussi avoir en entrevue exclusive à 8h. une partie de la distribution de Rent, la comédie musicale. Hein? Oui. Ah, on est choyé ce matin. Ça, c'est à 8h qu'on va leur parler ici même en direct. Entre les deux, ben, et autour mon de ça. Mon cœur balance. Mon cœur en effet balance. Mais autour de tout ça, on va faire section, ça devrait répondre. Là, c'est le classique du mercredi, ça. Parfait. On a un petit spécial aujourd'hui sur les canaux de couple à s'offrir, peut-être. Ah, pour, c'est intéressant. Pour Noël! Comment ça va être tard, par exemple? Un si petit vos peu. Cadeaux sont pas achetés ou fabriqués, mais fabriqués, ça, c'est correct. Ça va, mais je vous en parlerai certainement pas parce que nous, on est là pour dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Non, ça existe, hein. Mais un petit peu de shipping accéléré sur Amazon, puis vous l'avez dit à la fin de la semaine. C'est, Oui, l'année passée, j'ai commandé quelque chose, je pense, le 22. Et le 24 au matin, je l'avais. Hein, donc, est-ce que je suis menteur? Pas là-dessus. Hein. Mais j'ai pas dit que t'étais menteur. Je suis en train de t'approuver. Exactement. Fait que cherche pas le trouble. Donc l'émission commence à l'instant avec une pièce de musique musicale par un chocolat. Voici Burnout, parce que Colin, vous en approchez, mais il reste rien que quelques jours de travail avant les petites vacances. Nous autres, il nous en reste ça. Je pensais que tu disais qu'on s'approchait du chocolat, là, je suis un peu déçu. Ben aussi, à Noël, la fête du chocolat, c'est connu. C'est... Oui, on s'offre tous du chocolat. Allez, bonne émission. We'll be right back. chocolat et burn-out. Assemblage requis. Ça te pogne par surprise, hein? Ce qui pourrait vous pogner par surprise aussi, c'est de recevoir une fois de temps en temps des choses que vous avez achetées sur Internet. Parce que vous en rappelez plus tellement long à faire livrer des fois. Non, j'oublie pas. Non, moi, je continue à trouver ça long. Je suis le tracking en temps réel, tout le temps. Ouais. C'est, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ben quand on allait voir si j'avais reçu mon paquet, là, tu sais, j'ai reçu un courriel de Al Arti Mohamed Ahmed qui m'offre un contrat de 5,2 millions de dollars. Oh, c'est intéressant. Tu veux les détails, j'ai écrit, puis c'est fait. Ben écoute, j'embarquerai peut-être avec toi. OK, on sait pas ça. C'est pas ça. Mon paquet est rendu à Richmond, en Ontario, maintenant. Pas pire. Hein? Voilà. Ben, donc, ça dépend de où il passe, c'est pas pire. De Chine, je pense. Ah. Je sais pas. Bref, on n'est pas là pour parler de nos gadgets, on est là pour parler de vos gadgets que vous allez peut-être recevoir si vous les commandez rapidement. Évidemment, c'est sûr qu'on s'approche de Noël, mais Colin, il faut bien qu'on remplisse la chronique pareil. Donc, une petite liste de suggestions de cadeaux de couple, mais vous allez voir que ça va dégénérer un petit peu. Fait que c'est ça pas va dégénérer. Que vous voulez pas nécessairement vous procurer ça. Pour commencer, c'est un collier de Kinect Design, K-I-N-E-K-T. Hein? C'est les mêmes qui avaient fait la bague avec des rouages dessus. Là, des rouages comme dans une montre. Sauf que là, c'est en collier cette fois-ci. Donc, en forme de cœur avec trois rouages qui se combinent les uns dans les autres. On peut tirer sur la chaîne à travers le pendentif et les rouages vont tourner sur eux-mêmes et il va y avoir l'effet de répercussion que les rouages ont habituellement. Donc, c'est super actif comme bijou et c'est disponible sur Internet. C'est fait en stainless steel. C'est super technologique, tout en étant très, très geek et en étant très élégant aussi. Vous pouvez voir une petite vidéo de démonstration. C'est disponible en trois longueurs, 18, 20 ou 30 pouces pour 185 bidoux. Mon Dieu, c'est cher. C'est en stainless steel. Stainless steel. Non, absolument pas. C'est beau, mais moi, je pensais que tu disais que ça allait être des cadeaux de couple pour les deux en même temps. Là, on s'entend, c'est un cadeau à offrir à quelqu'un du couple. Genre. Exactement. D'accord. C'est un petit peu tout en même temps. C'est des cadeaux qui sont cute à donner. Tiens, continuons à l'instant avec voilà. C'est des boucles d'oreilles de requin. C'est super cute. Tu sais, les requins, c'est les auditeurs d'assemblage requis. Ben oui. Des requins. Donc, donnez à vos oreilles un petit look de personne qui va peut-être se faire amputer un lobe d'oreille. Avec les Shark Bite Earrings. Chacune de ces petites boucles d'oreilles faites à la main et peintes et arrangées pour donner l'illusion que le requin est en train de vous mordre l'oreille. Vous pourriez même peut-être vous rajouter un petit peu de rouge sur l'oreille pour faire encore plus... Sanglant. Sanglant. C'est 10$ pour la paire. Mais sont vraiment très, très cute. C'est pas cher, puis c'est beau. C'est joli à mort. En fait, j'en ai vu dans ce style-là, mais c'était... la petite plante dans Mario. Ouais. J'ai vu moi aussi. C'est vraiment très, très beau. Hey, j'aimerais-tu ça pouvoir porter des boucles d'oreilles de même? Je pourrais, mais j'aurais l'air d'un méchant maillet. Oui. Oui, c'est confirmé. On reste chez les requins, parce que Colin, les requins, ça semble. Hein? C'est c'est normal. Cette fois-ci, c'est des bas en requin. Hein? Évidemment, les bas, c'est des bas tout ce le plus normaux, on dirait en lainage, si on veut. On dirait qu'ils ont été tricotés presque à la main. Effectivement. C'est en fait... le cas, donc tricoté à la main, c'est pour ça que ça a l'air de ça. Et au bout, au ras la cheville, c'est une bouche de requin. Donc le dessus du bas est en bleu, le dessous est en blanc, et la bouche avec les dents tricotées évidemment en forme de dents, avec des petits yeux et même une petite goutte de sang sur le côté. Bref, c'est comme si tu t'étais enfilé un requin dans le pied. Tu t'enfiles un requin. Et voilà, 38$ pour la paire. C'est enveloppant et très très confortable, nous dit-on. Ensuite de ça, on reste encore une fois chez les requins, mais cette fois-ci un petit peu plus pervers, je pense. C'est une invention par Hans Srulirecht. C'est des gants qu'on peut juste pas enlever. L'intérieur, c'est une, c'est de la, est-ce que c'est de la peau? Oui, de la peau de requin d'Islande. Et puis le requin a des genre de petites, comment dire, pas des nageoires, mais des petits pics si on veut. C'est couvert de ça, de milliers de petits pics coupants pour ramasser les planctons. Pour pouvoir les manger. Donc, ben en fait, je sais pas si c'est vraiment le cas dans le gant ou si c'est seulement une imitation de ça, mais c'est que si tu mets la main dans ces gants-là, c'est comme mettre ça dans la bouche de requin, parce que tes mains vont être prises dedans, les pics font face vers l'intérieur, donc une fois que tu retires le gant, tu vas te défaire la peau. Mais André, je comprends pas qui veut acheter ça. Je me demande si c'est juste un concept pour être drôle, tu comprends, genre. Parce que je vois pas de prix en ce moment. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle à offrir à quelqu'un que t'aimes beaucoup. Ouais. En fait, ça dit que tu peux vraiment les acheter pour 720€. En fait, j'aurais quasiment le goût d'investir pour toi. Merci. C'est les SR-341 Lasting Impression. C'est ça, SR-là dans le tiroir, puis mets-les pas. Ensuite, les activités de couple continuent, tu sais. Ouais, parce que là, on a acheté un cadeau à l'autre, puis l'autre personne est super contente. Donc, tu vas vouloir te mettre un petit peu de préliminaire pour mener vers quelque chose de plus plaisant encore. Donc, tu vas à l'extérieur et tu joues au Twister gonflable. Arc. Un gros Twister gonflable, parfait pour les groupes, j'imagine. 2 000$ environ, donc on peut contorsionner son corps de différentes façons pour... 2 000$? 2 000$. Pratiquez vos positions sexuelles préférées. Hein? Ensuite, venu le moment de sauter au lit, sous la couverture, t'as besoin de lubrifiant. Donc tu t'achètes un gallon, pas un gallon, un baril de 55 gallons de lubrifiant. Eh, Seigneur, y a-tu une petite pompe pour aller avec? Une pompe à la peur qui est. Non. 909,73$ pour ces 55 gallons. Évidemment, tu préfères tout ce que tu veux là-dedans. Tu préfères des combats dans le lubrifiant à place du fond d'Angelo. Ouais, c'est ça. Tu peux laisser aller ton imagination. C'est exactement ça. 55 gallons, 900$. Ensuite, bon, on est au lit, on s'est bien lubrifié. On peut s'insérer des choses à différents endroits dans différents orifices. Donc, c'est un vibrateur à 24 carats en or. Bien sûr. Luxueux, le grand luxe, toi. Hein? Mon Dieu, que ça sert à rien. Il y a une photo non pixelisée sur assemblagerequis.com. Vous pouvez cliquer sur le lien pour voir ce que ça donne, mais c'est un vibrateur de 24 carats. Ensuite, c'est pas assez pour l'autre, hein? Donc, il te faut un dildo tellement gros que personne ne peut s'en servir. C'est un dildo de 3 pieds de long qui pèse 50 livres et c'est fait pour être le plus réaliste possible. Évidemment, j'imagine réaliste pour un géant. Mais quand même. Non, j'imagine que c'est plus réaliste dans la forme que dans la grandeur. La texture et les courbes et tout ça. Donc, 3 pieds de haut. OK, mais c'est comme un bibelot? C'est ça, c'est comme Essaye d'expliquer ça à la visite. Un bibelot dildo. Voilà. Oh boy. Ensuite, Colin, tout ça, ça s'est bien passé. T'aimerais pouvoir reproduire l'expérience plus tard lorsque ta copine sera pas là, mettons. Il te faut donc clone pussy. Hein? Donc, c'est un kit pour faire soi-même le moule de l'intérieur de la femme. Ah, je savais qu'il y en avait pour les hommes, mais pas pour les femmes. Ça doit être plus compliqué. Les étapes ne sont pas évidentes à expliquer, mais quand même. Donc, clone pussy, c'est disponible sur Amazon.com pour 15$ en ce moment. Envoyé de la compagnie Dear Lady. Chère madame. Chère madame, c'est pas n'importe quoi. Il y a pas grand critique. En fait, il y a aucune critique. Ben oui, mais il y a personne qui ose s'affirmer là-dessus. Là. Voilà. Bon, ben une fois que t'as cloné son intérieur, Colin, tu te fais peut-être laisser. Hein? Pourquoi? Je sais pas. Tu l'as fait pendant qu'elle dormait, elle savait pas? Peut-être. Donc, elle va peut-être te donner le cadeau de rien du tout. Hein, c'est comme merci pour rien. Puis elle te laisse, puis elle t'a dit de partir. Donc, c'est un cadeau qui dit absolument rien du tout. C'est un morceau de plastique écrit nothing dessus. Donc, à la place de s'acheter des choses matérielles pour dire quelque chose envers ou contre le matérialisme de la société, on donne une carte donnée avec nothing. OK, parce que si le but c'est de blesser la personne, ça fonctionne pas parce que t'as quand même fait un effort. C'est vrai. Donc, t'as pensé à la personne. C'est beaucoup plus difficile si tu fais juste l'ignorer totalement. T'as bien raison là-dessus. Il y a plusieurs versions du nothing en passant. Il y a une version qui s'accroche, je crois que c'est sur une poignée de porte dans ce cas-ci. Il y en a plein d'autres. C'est un morceau de carton plastifié. Ensuite, tiens, tu veux envoyer des bêtises pour continuer la guerre entre les deux dans le couple, hein? Donc tu lui envoies un sac d'excréments, finalement, on va se le dire. C'est un sac d'excréments. Et ça s'achète, c'est sack of shit. Et je te dirais que t'as jamais été aussi intense dans le inutile, hein? Ah, je te crée une histoire, man. Il y a aussi a bag of poop pour ceux qui sont sensibles envers le mot shit. Donc tu peux donner a bag of poop, 5 par 6 pouces. T'es sensible au mot shit, mais t'envoies un sac de... Faut être conséquent, ça. Et c'est vraiment un sac littéralement avec du vrai, de vrais excréments. C'est 4 morceaux. En fait, non, c'est ça. C'est marqué, oui, c'est un vrai sac de caca, mais en dessous, c'est marqué 4 morceaux de faux caca. Donc là, on sait pas trop. Je pense que c'est un sac de faux caca. Mais ben par contre, j'espère. Là. Tu peux avoir un sac de vrai dans le cas de Shit Express que j'ai mis ensemble. En fait, les deux prochains vont aussi être sur le même sujet. Shit Express, c'est un service qui vous permet d'envoyer de façon anonyme une boîte d'excréments de cheval n'importe où dans le monde. Partout où les facteurs peuvent se rendre. Ça coûte seulement 17$ ou encore 0,05 bitcoins si vous êtes du genre à avoir des bitcoins. Donc, tu peux avoir un conteneur de plastique cheap rempli de crottes de cheval livré dans les mains de votre ennemi mortel. Voilà. Il y a aussi Poop Sanders qui existe, il y en a plein d'autres. Mais celui-là, c'est le premier à l'envoyer de façon anonyme via des paiements bitcoins. Donc, aucune façon de retrouver les cartes de crédit ou rien là-dessus. C'est sûr que ça ne se retracera pas jusqu'à vous. Ils veulent offrir d'autres excréments de différents animaux. Ah ben oui, parce que c'est sûr que tu vois la différence là, quand ça arrive dans la boîte. C'est la texture, hein, tout est dans la texture, Steph. Chaque boîte vient avec l'option de message. Parce que toi, tu reçois une boîte de merde, tu y touches. Ben, tu veux t'assurer, tu sais... la qualité, que ce soit vrai ou faux. Ah. Donc, c'est la possibilité d'envoyer des messages personnalisés aussi, écrits littéralement sur un morceau de papier. Et puis, ça vient avec un message standard qui dit, je cite, « J'ai reçu un excrément cheval, maintenant quoi faire? Pour commencer, pensez à vous-même. Quelqu'un vous l'a envoyé probablement parce que vous l'avez insulté, vous l'avez blessé, consciemment ou inconsciemment. Alors, prenez une grande respiration. » Rien de mal ne va arriver. Vous devriez juste essayer d'être une meilleure personne. Voilà. Mm-hmm. C'est le message standard. Tiens, pour terminer sur les excréments et les choses très matinales comme ça, on connaît tous Cards Against Humanity. Oui. C'est un jeu, si on veut, de société, ou en tout cas au moins de groupe, où on essaie de sortir des blagues les plus vulgaires possibles en matchant des cartons ensemble. C'est un peu plus complexe que ça, mais... on n'ira pas vraiment plus loin dans l'explication. Il faut qu'il y ait de l'alcool impliqué. Ça n'a pas le choix. Donc, Cards Against Humanity a réussi à vendre littéralement 30 000 boîtes d'excréments, eux aussi. C'est vrai. Donc, Cards Against Humanity, le jeu risqué pour les gens horribles, nous dit-on, a offert à ses clientèles pour le Black Friday une boîte pour 6$. On pouvait l'acheter littéralement et acheter une boîte qui s'appelait Bullshit avec un petit cône de crotte. Tout ce qu'il y a de plus mignon, très très emoji ou émoticône. Donc, voulant découvrir le mystère de cette boîte-là, voir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui se cachait derrière ça, 30 000 personnes ont craché 6$. Oh mon Dieu, c'était vraiment ça qu'il y avait dedans? Oui, oui, et il y a la vidéo de démonstration que j'ai laissée sur assemblagerequis.com. On va en entendre un extrait dans quelques instants. Donc, 30 000 personnes ont acheté cette boîte-là et on se demandait bon, s'il allait avoir un morceau de plastique dedans ou peu importe, qu'est-ce que ça allait être comme blague pour dire « Haha, on a fait 6$ sur votre dos ». En fait, ça reste vrai. Ils ont fait 6$ sur votre dos. Oui, effectivement. Imagine-tu l'argent qu'ils ont fait? C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Donc, ben, c'est ça. Je pense qu'on pourrait aller se permettre de regarder la petite vidéo de Cards Against Humanity. Cards Against Humanity. J'en fais aussi la boîte bullshit de Cards Against Humanity. Cards Against Humanity was selling $6 boxes of actual poop. Comme on disait, 6$, je sais pas si ça comprend le shipping. Bon. And a lot of people had different theories, like, oh, you know, there's no way you can send poop. Il y a plusieurs théories. Bon, c'était possible d'envoyer du caca par courrier, peut-être qu'il y avait un carton à l'intérieur. Well, today we're gonna find the truth. Donc aujourd'hui, on va découvrir la vérité. I'm a little drunk right now. Bon, qui est un petit peu sous, on va avancer un petit peu la boîte. Donc la boîte était dans une boîte de carton. À l'intérieur, il y avait une autre boîte de carton emballée avec du plastique vraiment scellé, très très serré, pour pas que j'imagine que les services postaux l'ouvrent trop facilement. Donc là, il parle du petit emoji, c'est marqué. Ça, c'est quand même assez drôle, ça dit « Bois fabriqué en Chine, caca fabriqué aux États-Unis. » Donc, une fois qu'il ouvre la boîte, il l'ouvre par en haut comme ça. Oh, merde! Et là, la crotte tombe sur un papier essuie-tout qu'il avait installé au préalable. Et c'est une crotte très, très sèche. Donc, il l'effrite un petit peu. Il y a des morceaux qui tombent. Et à la toute fin... Oh, mais là, c'est du vieux caca. Ouais, quand même. Et à la fin, tu vois, on va réentendre le bruit que ça fait. I have confirmed it. I guess I'm might as well just break this in half. Maybe they hit something in it. C'est bien cassé en deux, voir s'ils ont caché quelque chose derrière. It's poop, so... Hein? Nope. I think that's poop. Ah oui, et voilà, donc on se rappelle quand au Black Friday en 2013, la même compagnie Cards Against Humanity avait fait une grosse cascade publicitaire en montant les prix, en augmentant les prix de 5$, et ça avait fonctionné. En fait, ils avaient fait plus d'argent encore pendant cette période-là. Ils avaient augmenté leur profit parce que les gens voulaient les encourager à continuer. Donc c'est selon Business Insider que ça avait quand même eu de très bonnes ventes. La compagnie n'a pas fait de profit sur cette crotte. Jezebel nous dit qu'après les frais de shipping qui étaient de 5,80$ pour envoyer chaque boîte, ça voulait dire que finalement, il faisait seulement 20 cents par boîte ou 6,000$ au total pour les 30 000 personnes qui ont acheté cette boîte. Bullshit. Et tout ça a été envoyé à une œuvre de bienfaisance. Ouais. Ah, ouais, c'est gentil. Ouais, moi, je trouve ça bien pour ça. Ouais. On n'a pas fait ça pour rien, mettons, les 30 000 personnes. Je ne sais pas que je m'inclus là-dedans du tout. Mais ceux qui ont fait ça ne devraient pas s'en vouloir trop. Ensuite, bon, donc là, on était dans les activités de couple. Après ça, on était dans le couple qui vient de se rompre et qu'on s'envoie des bêtises par la poste. Peut-être qu'on pourrait juste s'acheter un animal de compagnie pour se divertir. Donc, ici, c'est un produit amusant. C'est donc un produit qui s'appelle Mouser, M-O-U-S-R. C'est un jouet robotique pour votre chat. Donc, c'est un petit jouet pour chat, fabriqué par un trio d'ingénieurs donc de l'Université de l'Illinois. Ils ont créé un robot avec une petite queue qui apprend le comportement de votre chat, réagit à comment votre chat joue avec. Donc, c'est juste un jouet automatisé, tout ce qui est plus niaiseux, mais ça a gagné le Kickstarter Staff Pick Mouser par Petronics. Présentement, sur Kickstarter, on demande 140$, étant donné que c'est un robot, donc ça coûte plus cher qu'un jouet normal, vu que ça apprend de votre chat. Donc c'est en dessous du prix que ça va être que ça va coûter finalement lorsque ça va sortir en octobre 2015. Vous pouvez regarder la petite vidéo du chat qui joue avec le robot sur assemblagerequis.com. On va y aller avec deux derniers. Tiens, on va y aller avec celui-là. C'est un nœud papillon pour votre chien. 10,31$. Donc évidemment, pour que votre chien ait un petit peu plus de classe que votre chat qui est en train de courir après une souris. Hein? De toute façon, si tu mets ça à ton chat, il va essayer de l'enlever puis il va le manger, non? Ah, même ton chien, peut-être aussi. Peut-être. Et finalement, c'est une fontaine pour animaux de compagnie, c'est la passette. C'est opéré par la patte de votre animal. Donc, on a déjà parlé de plusieurs autres solutions pour nourrir ou en tout cas au moins abreuver votre animal de compagnie. Mais celui-là est quand même bien fait. C'est une fontaine qui s'attache à n'importe quelle hausse de jardin de 5 huitièmes de pouce. Ok, tu mets pas ça en dedans, là. Non. Votre chien appuie sur la pédale et va monter donc un jet d'eau. On peut l'installer un petit peu partout où la hausse peut se rendre. Donc, j'imagine qu'on pourrait quasiment l'installer dans le garage, mettons. Ben oui, dans le garage, ça va, là, mais... Donc, de l'eau bien fraîche, sur demande, sans besoin d'être humain. La plupart des chiens vont comprendre comment l'opérer assez rapidement, nous disent-ils. Donc, il n'y aura plus de bol sale, plus d'eau stagnante dans la cour arrière. Donc, c'est... voilà, donc ça coûte... est-ce que ça coûte... Il n'y a pas le prix ici. Voilà, le prix est où? Sur Quirky.com, encore une fois, une de nos compagnies préférées. On parle de Quirky quasiment à chaque semaine, tellement ils ont des bonnes idées. Et dans ce cas-ci, ça coûte 25$. Passette P-A-W-C-E-T. Ah, c'est pas cher. C'est beau en plus. Non, ça, c'est très laid. Moi, j'aime bien la combinaison du rouge et du bleu. Le dessous est bleu. Non, c'est vraiment laid. C'est super plastique, carré. Ouais. Non. Ouais. Non, c'est pas beau. Si tu le dis, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais c'est pas cher. Et Quirky, c'est des produits de qualité tout le temps. Voilà pour cette portion de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles. Les liens sur assemblagerequis.com. Au retour de la pause, on va recevoir une partie de la distribution de Rent pour parler de cette comédie musicale. Mais pour l'instant, quelques messages. Assemblage Requis, vous êtes avec nous jusqu'à 9h30, j'espère bien. Bien sûr. Exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 96. C'est fou. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 17 décembre 2014 et Stéphanie Paradis. Ah, j'avais oublié que t'avais changé de plan, je m'excuse, c'est ma faute. Ah, c'est Mathieu Plante, j'ai pris le temps de te le dire. Ouais, tu sais, j'ai pas assez d'affaires à checker autour de moi, mais oui. Donc, Rent, dans quelques instants, on va parler de la comédie musicale avec Alexandrine Pichessire et la gang qui tourne autour d'elle. Belle gang, en fait, je suis sur la page Facebook en ce moment, puis je regarde ça, puis ça a l'air le fun, puis j'ai hâte d'y aller, tu sais. Je pensais que tu dis que tu voulais faire partie de la gang. Non. Puis faire du théâtre, puis chanter. Et quand que c'est pas moi ça. Hein? J'ai déjà assez honte quand je chante les intros, les chroniques. T'as honte, mais c'est parce que, tu sais, mon cher, il y a personne qui te l'impose. Hein? Non, mais je fais ça parce que j'aime ça et je fais ça parce que les gens m'encouragent. C'est l'affaire qui cause le plus de commentaires à Assemblage Requis. C'est quand on chante sur les intros, c'est vrai, je te le jure. J'en ai des dizaines. Pourquoi des dizaines. On se force d'abord? On devrait chanter tout le long. Tout le long, à place la chronique au complet chantée, ça serait parfait ça. Ouais, ça serait pas pire. Ça existe, ça devrait pas, le musical. L'année prochaine, 2015. Ouf. C'est notre année, 2015. Moi, je suis pas là hein, l'année prochaine. À toi de voir. OK, go, qu'on écoute avec Bright As Your Eyes tout de suite. À son âge, OK. Ça, c'est fou. Grove Band et Don't Wanna Say Goodbye. C'était bon, ça, et c'était précédé de OK Go avec Bright As You're Right. Oui, et ça fait l'unanimité, ce bloc-là, je pense. C'est un bloc de la mort, de la muerte. Exactement. Ouais, on n'aura pas... Mettons que ça, c'est un bloc qu'on achèterait. C'est parce qu'on le prendrait pas juste sous location, mettons. Tellement il est bon, on le garderait pour moi. Lien de mort. Donc, un lien vers la comédie musicale Rent, et on a avec nous en studio Alexandrine Pichessir et Gabriel Margodet. Margodet. Salut à vous deux. Ta diction est très bonne, Mathieu. Merci, trop fine. Ah, s'il y a quelqu'un qui connaît bien la diction, c'est bien Alexandrine Pichessir. Hey, je m'ennuie de vous, je pense. Ben, nous aussi, on doit dire que c'était une ancienne chroniqueuse d'Assemblage Requis, donc c'est sûr qu'on s'ennuie d'elle. Elle nous a quittés pour aller étudier en théâtre. Un monde meilleur. Oui. Ouais, mettons, pas meilleur, mais un monde différent. Mère, qu'on dit. Mon mère. Laisse donc faire. Donc, on est là pour parler de la comédie musicale Rent. Oui. Qui s'en vient ici même à Trois-Rivières. On est choyé à la salle Alaïs Allard Rousseau. Donc, on va en parler en long et en large. Pour commencer, Rent en général, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Ben, c'est l'histoire de huit amis proches au travers d'une année, en fait, compte de leur vie, au travers des hauts, des bas. On parle du sida, on parle de l'homosexualité, pardon, okay. On parle. L'art en général. Aussi. Oui, on parle de l'amour beaucoup aussi, mais c'est des hauts et des bas qu'on vit toutes au travers d'une année. Donc, c'est plus dramatique qu'une comédie, je pense. Il y a certains personnages qui sont comme des clowns, qui sont beaucoup plus comiques, mais ce qui les rend attachants. Ben, il y a aussi vraiment un côté dramatique avec surtout la perte, parce que ça parle du sida dans les années 90 aux États-Unis. Donc, spoiler alert, quelqu'un meurt, j'imagine. Oui. Je vais pas dire de punch, je sais pas c'est qui. Non, mais tiens. C'est ça, on sait pas c'est qui dans le groupe. Ouais. Votre production de Rent, en quoi est-ce qu'elle se démarque et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Comment est-ce que vous avez approché le sujet? Ben, pour commencer, c'est en français. C'est quand même assez intéressant de voir la traduction qui a été faite. Une traduction qui a été faite par Yves Morin et Vincent Bolduc en 2003. Okay. C'est une production qui avait été faite à Montréal avec Marie-Mé et Jean-François Bastien dans le temps. Okay. Puis nous, on a repris ça puis on a voulu la faire en Mauricie. Là, donc, vous l'avez amélioré en mettant pas Marie-Mé et Jean-François Bastien. On va dire ça de même, ça oui. Ça. C'est ça. En français, ça s'appelle pas la régie des rents ou quelque chose de genre? Non. Juste rent. Rent. Juste loyer. Oui. Non, on a gardé le titre bon. Original. La distribution de cette pièce-là, Rent, à Trois-Rivières, est-ce qu'il y a des gens qu'on a déjà vus ailleurs? Est-ce qu'il y a des visages connus C'est une super belle distribution, on est vraiment contents. Il y a des gens d'ici, Trois-Rivières, Mauricie, mais aussi des gens de l'extérieur, vers Montréal. Okay. Si on pense par exemple à Yuri Carter oui. qui fait le rôle principal de Mark, qui vient de Longueuil. Il y a aussi... Vous gardez les mêmes prénoms, hein? Même en français, c'est Mark et non pas Mark. Oui, c'est ça. Mark et Roger. Comme Roger, oui. Qui s'appelle Mathieu Bernier Houdanich. Qui venait à l'université ici, qui faisait de l'improvisation dans l'huître. Mm-hmm. Sinon, nous avons Marie-Pierre... Mon Dieu, j'ai l'impression que les noms panés. Marie-Pierre Messier, qui joue le rôle de Mimi, qui est le personnage principal féminin. Okay. Fait des spectacles à Shawinigan. Il y a moi, que tout le monde connaît ici. Oui, parle-nous de ton rôle, Alexandrine Pichessé. Ah, mon Dieu, déjà, mon rôle. OK. Mon rôle, c'est Maureen Johnson. Okay. Je suis une espèce de comédienne un peu révolutionnaire, très avec un gros caractère qui n'a pas froid aux yeux, qui donne pas sa place, qui est bisexuelle aussi. Ah! Yep. Mm-hmm. Bon. Fait qu'on voit le triangle amoureux là, qui embarque dans l'histoire ça aussi. Ouais. Oui. Toi, ton rôle? Moi, c'est Tom Collins qui est un vagabond qui est un bohémien, qui adore la vie, qui est prof, qui a été prof à l'université, qui s'est fait renvoyer pour quelques raisons, okay. Mais qui décide d'exploiter sa joie de vivre et l'amour pour la vie surtout. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Sinon, dans les autres personnages principaux, il y a Charles Simoneau, qui est un ancien danseur de moderne qui est connu en Mauricie, qui a fait d'autres comédies musicales avec les productions de la 42e. Puis il y a Marie-Ève Godin, qui joue ma blonde, qui est super bonne. Elle a fait plusieurs autres comédies musicales aussi dans la région. C'est cool. C'est la première production de votre troupe à vous, Rent. C'est quoi votre troupe? Pourquoi est-ce que vous avez démarré ça? C'était l'envie de faire Rent. Ça commençait vraiment avec ça. Ma comédie musicale préférée à moi pour commencer, c'est Rent. Puis mon groupe d'amis aussi, on aimait beaucoup Rent. Puis on a décidé de foncer et faire Rent, dont le Théâtre de la Vie Bohème, qui est un des plus gros numéros dans le spectacle, La Vie Bohème. Et ça part de là. Mais évidemment, c'est pas ce qu'on... On veut pas arrêter à Rent là, à ce moment-là. On veut continuer. Là. Est-ce qu'on peut demander, au moins poser la question, des projets futurs que vous aimeriez faire? On en a en tête, mais je pense que rien d'officiel encore. Non. Mais ce qu'on sait, c'est que avec le Théâtre de la Vie Bohème, on a comme vraiment réalisé plein de choses par rapport à la culture puis par rapport à l'art. Puis on s'est dit qu'on veut vraiment que cette troupe-là véhicule des valeurs qui sont importantes pour nous, que ça soit justement l'ouverture sur les différentes type d'orientation sexuelle, surtout l'amour, puis un message qui est important qui est véhiculé dans Rent, c'est de vivre au jour le jour, vivre le moment présent, c'est important. Puis c'est toutes ces valeurs-là qu'on veut véhiculer avec le théâtre. Merci. C'est beau! Oui, ouais. Oh. Mais merci. C'est théâtre à message. Donc, le spectacle, ça a lieu quand, où? Comment est-ce qu'on se procure des billets? C'est le 19 et 20 décembre, okay. Donc vendredi, samedi, qui s'en vient là, là. Oui, là, là. C'est à la salle Annie Salard-Rousseau à 20h. Vous pouvez acheter vos billets à la porte ou sur Internet. www.enspectacle.ca. Oui. Ben oui. Est-ce qu'il y a un entracte là-dedans? Est-ce qu'on se prépare? Oui, un petit entracte dans le milieu. C'est quand même un long spectacle, on ne se le cachera pas. Un long, mais bon spectacle. Divertissant. Oui. Les informations sur la page Facebook, entre autres, si on tape... c'est facile, j'ai tapé Rent, puis ça me l'a trouvé dès le départ, mais Rent, la comédie musicale. Vous allez voir l'invitation par Gabriel lui-même, c'est tout ça. J'ai reçu ça, moi. J'espère que vous allez venir. Je suis rien de spécial. Ce serait le fun. Oui, vendredi soir. Pour que ce soit ta deuxième pièce de théâtre, Mathieu Plant. En un mois, en fait. J'ai jamais regardé de théâtre de ma vie. Et là, dans le même mois, deux fois. Moi et Myriam Lortie, on va faire un homme de toi. Vous avez débauché. En plus, une comédie musicale, là, c'est une autre étape. Là. Mais ça faisait longtemps parce que je voulais en voir des comédies musicales. Ça m'intéresse pas mal. Ça. Puis on a vraiment les musiciens live. Là. On fait pas ça avec des trams. On a un directeur musical qui nous a dirigé, Frédéric Rivet, que c'est un jeune homme de Lanaudière qui a fait un... Il étudie en musique, justement, puis c'est lui qui nous a dirigé pour le côté vocal, les harmonies. Puis on a un guitariste, un bassiste, un pianiste, puis un drummer qui joue live, puis c'est... Tout est live sur la scène. Wow, vous êtes allé en grand. Oui, génial. Tant qu'à le faire, on va y aller. Ouais, c'est tout un défi, tu sais, on avait peur, mais quand même, on se lance les pieds dans le vide, puis... on réalise un peu notre rêve, je pense. Oui, ça va être bon. C'est sur une belle scène, en plus. C'est le fun. C'est chaleureux. J'aime bien ça, cette façon. Puis pour les gens qui nous connaissent pas, c'est notre premier show, fait que c'est normal que vous ne connaissiez pas. Ouais. Mais je pense que ce qu'il y a de particulier avec notre troupe, c'est que on s'aime tellement, puis on est tellement tous des amis. Puis ça paraît sur scène. Depuis le mois de mai qu'on travaille sur Rent, on a travaillé fort. Puis sur scène, vraiment, l'énergie puis l'amour qu'on a entre nous, ça crève les yeux. Puis ça va tout droit au cœur. Ah, que c'est bon. C'est-tu beau ça? Bon, vous souhaitez vraiment du succès avec votre troupe. Mais merci. Mais merci. Troupe de la Vie Bohème, c'est bien sûr. Le théâtre de la Vie Bohème, mais oui. Mais oui. C'est un T pareil. J'avais une lettre. Peut-être le R con, il n'est pas à bonne place. Donc, on vous remercie tous les deux. Gabriel Maher-Godet et Alexandrine Pichessé. On va se quitter avec une pièce. Là, pendant une bonne partie de l'entrevue, on a écouté Seasons of Love, qui est pas mal une des pièces les plus connues de Rent, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas nous quitter avec une version chantée de cette pièce-là? Mais oui. Hein? Évidemment, pas la vôtre, parce que Colin, elle a pas lieu pour ceux qui n'ont pas suivi le long de l'entrevue. Donc, Seasons of Love, on écoute ça du film Rent. C'est le film dans ce cas-ci. OK. Merci. Parfait. Merci. Mais merci à vous. Bonne journée à vendredi. Bonne journée. Seasons of Love sur la trame sonore originale du film Rent, qui date de 2005. C'était ce qui ouvrait ce film. Parce qu'on parlait de Rent avec Alexandrine et Gabriel Toronto, je vous rappelle que c'est les 19 et 20 décembre à 20h, c'est vendredi et samedi, à la salle Anaïs à la Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières. C'est le théâtre de la vie de Bohème qui présente Rent, une comédie musicale américaine détenant plusieurs Tony Awards et un prix Pulitzer basé sur l'opéra de Puccini, La Bohème. Rent qui a débuté à New York le 29 avril 1996. Je sais pas ça. Que d'informations pertinentes! On les remercie et on vous suggère d'aller voir ce vendredi. Oh, j'ai le feeling que ça va être un show incroyable. Ça va être émouvant, je pense, moi. Ça va être émouvant. Amène ta boîte de Kleenex. Ouais. Parce que mes suisses me mangent, ça va être... je pense que c'est assez parlé de Rent et de comédie musicale. Moi, j'aimerais ça en parler beaucoup. En fait, j'espère qu'on va avoir l'occasion de reparler de comédie musicale avec le temps à Assemblage Rocky. Mais pour l'instant, on écoute The Barr Brothers et leur pièce Even the Darkness Has Arms. Ça, c'est fou. C'est bon, ça? Très bon. The Bar Brothers, Even the Darkness Has Arms, à Assemblage requis. Dans quelques instants, on va continuer avec une deuxième partie de Sex, mais ça devrait pas, on l'a. Mm-hmm. On va vraiment en faire encore beaucoup là, jusqu'à 9h. Ne vous en faites pas. On n'a pas le choix, et si on veut dépenser pour Noël, trouver des cadeaux. C'est ça, parce que ça manque de dépenses dans la vie. Il faut en rajouter encore plus. Exactement. Et après ça, on fera Master Steph, parce que là, il faut bien remplir le ventre aussi. Hein. Vider le portefeuille, remplir ben le oui, ventre. C'est le temps des fêtes. Rien ne se perd, rien ne se crée. Rien ne se perd sauf l'argent, rien ne se crée sauf du gras. Mais bon, ça. Fou de contraste. Vous êtes dans la zone 89.1. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. Du 1er au 17 décembre, inclusivement, les étudiants qui désirent obtenir un permis de stationnement zone A, B ou C à l'hiver 2015 doivent s'inscrire au tirage pour leur dossier de stationnement sur le portail de l'UQTR. Le tirage aura lieu le 18 décembre 2014. Les participants seront informés des résultats par courriel. Les étudiants sélectionnés lors du tirage pourront se procurer leur permis au centre de ressources multiservices situé dans le hall Gilles Boulet du pavillon Albert-Tessier à partir du 19 décembre 2014 au 16 janvier 2015. Tous les permis non réclamés seront remis en vente le 19 janvier 2015. La période d'inscription pour le Carnaval étudiant 2015 se déroulera du 19 au 22 janvier et est maintenant commencée. Des activités de tout genre sont organisées pour cet événement ouvert à tous les étudiants de l'UQTR regroupés par association. L'inscription se fait au coût de 30 $ et elle inclut le chandail à l'effigie du Carnaval. Pour plus d'informations, rendez-vous au kiosque situé face à la bibliothèque ou sur Facebook. Au Carnaval étudiant, viens créer ta propre histoire. Tu aimes les voyages et la coopération internationale? Éclosion recrute jusqu'au 15 décembre. L'association étudiante Éclosion permet aux étudiants de premier, deuxième et troisième cycle de tous les programmes de participer ou d'organiser leurs projets à l'étranger directement reliés à leur domaine d'études. Tous les projets sont réalisés avec un partenaire local, soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Éclosion est la seule association étudiante te permettant de réaliser cette expérience unique. Tous les participants ont accès à des bourses d'études et ou à du financement. Plus de 350 personnes ont participé au projet Éclosion depuis 2003. La création de l'association aura permis d'envoyer à l'étranger 272 étudiants de l'UQTR de 2005 à aujourd'hui. En 2014, dans 6 pays différents. Les prochains départs sont prévus à l'été 2015. Le Festival du film étudiant de Québec est présentement en appel de films pour sa 13e édition qui se déroulera les 20, 21 et 22 mars 2015 à l'Université Laval et au cinéma Cartier à Québec. Les cinéastes étudiants sont invités à transmettre leurs créations jusqu'au 18 janvier 2015. Un comité de sélection se réunira en février prochain afin de choisir les films qui feront partie de la programmation. Le Festival du film étudiant de Québec s'adresse aux étudiants des cégeps, des collèges et des universités du Québec et de toute la francophonie. Fiction, animation, expérimentale, documentaire, tous les genres sont les bienvenus. Les lauréats de chacune des catégories se mériteront des prix d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Pour plus de renseignements concernant l'appel de films, consultez les règlements disponibles au ffeq.ca. C'était votre capsule InfoCampus. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Nous revoilà à Assemblage requis en ce mercredi matin du 17 décembre 2014. Et c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Là, on est de retour. On va parler, là. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus de... On passe du temps, non? Plus de musique partout. C'est fini. À rien. En fait, on ne va pas passer grand musique d'ici la fin de l'émission. Non. Ça, je peux vous le dire. On commence cette portion de l'émission en achetant d'autres gadgets. Voici une deuxième partie de « Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a ». Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets ridicules qu'on trouve sur Internet. On va faire un petit bloc de pas grand chose de grande thématique. Il y a pas mal de boissons et de trucs à boire dans le milieu de la chronique. Mais parfait, pour l'instant. Ça. Pour l'instant, commençons avec des trucs de super-héros, Steph. Mm-hmm. Uh-huh. Qui n'a pas déjà rêvé de dormir avec Captain America, Hulk, Spider-Man? Hein? Pas mes préférés. Non? C'est lequel ton préféré? Robert Downey Jr. Non? Hein? C'est Iron Man, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Plus ça, mais sinon, je te dirais que présentement, je préfère DC. Ah, t'es du côté DC. Ben, c'est tout récent. Moi et mon chum, on commence à apprécier de plus en plus les histoires de DC sont ficelées. Eh ben, mais du côté de Marvel, c'est là qu'on s'en va quand même. C'est l'ultime sleeping bag. En fait, c'est de dormir avec vos super-héros en devenant vous-même le super-héros parce que c'est un sac de couchage costume. Oh. Vous l'enfilez, il y a les bras, il y a les jambes et il y a un zipper. Et tu peux dormir dedans. Ça coûte 140$. C'est par la compagnie Silk Bag. Et c'est à peu près ça. Vous pouvez voir des photos sur assemblagerequis.com. Il y a une capuche pour faire... évidemment couvrir la tête. Il y a même des capuches à main et des capuches à pied. Hey, je m'excuse, mais les gars, ils ont tellement l'air ticoun. Vraiment? C'est particulièrement l'air ticoun. Je dirais que celui qui a l'air le plus ticoun, c'est le premier sur le bord. C'est celui qui fait Spider-Man. Moi, je trouve que c'est Hulk à cause de la pose et la face. Là, on dirait plus qu'il fait kika. Il fait kika? Parce qu'il se met les... Mais check-les, il force, puis il a vraiment un regard vide. Là. C'est vrai. Donc, c'est des sacs de couchage de super-héros. On reste dans les super-héros avec maintenant des sous-vêtements de super-héros. Tellement populaires qu'ils sont déjà complètement vendus. Enfin, en tout cas, en date de l'article, j'imagine qu'il va y avoir une nouvelle ronde. Donc, c'est 8 ensemble qui ont été annoncés. Superman, Wonder Woman, Batman, Batgirl, Harley Quinn, Captain America, He-Man et Skeletor. Les deux seuls qui restaient en stock au moment des créateurs étaient Harley Quinn et Batgirl, les deux moins populaires. C'est pas vraiment des super-héros, là, tant que ça. Ils sont super-héros, mais ils sont pas super connus, autant. Ben, là, comment? Harley Quinn, je sais même pas dans quoi. T'sais. C'est l'acolyte du Joker! Voyons, elle est quasiment plus populaire que le Joker. OK. Come on! OK, ça se peut, ça se peut. Elle est tellement cool. Donc, le pouvoir de la nostalgie fait que les gens se ruent vers ces sous-vêtements-là. Ils sont quand même bien faits. C'est des sous-vêtements et un chandail, ça va avec, c'est un ensemble finalement. Ou une camisole pour les filles, c'est pas un... En effet, pour la fille, ça a quasiment l'air d'un léotard une fois tout mis ensemble. mais c'est en effet une petite camisole. Pour les gars, c'est un chandail avec, mettons en général, je dirais une couleur uniforme qui représente le personnage. Les bordures, donc le col et les bouts de manche de la couleur complémentaire avec souvent un petit peu de complément dans le reste du chandail et le symbole en plein milieu. Et ensuite, les sous-vêtements, c'est la couleur uniforme et la couleur secondaire comme ligne autour des bobettes. C'est très cool, mais je trouve les ensembles pour femmes beaucoup plus jolis. Que ceux pour hommes. Un petit peu plus, sexy, je te dirais. Hein? Ouais. Chez les gars, c'est un peu plus, loser, peut-être, genre. Mettons. On dirait que tu portes des bobettes des Teenage Mutant Ninja Turtles, genre, des fois. Puis c'est quoi le problème? Il y a pas de problème là-dedans, mais c'est un petit peu comme pas super attrayant, mettons. C'est rarement, on va rarement avoir de fantasmes là-dessus, n'est-ce pas? J'aime mieux un gars avec des bobettes des Ninja Turtles que des bobettes roses écrits, je sais pas, douche dessus. En effet. Donc, j'imagine, étant donné le succès, qu'on va y aller vers d'autres super-héros plus tard, peut-être. J'espère. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir les photos, encore une fois, sur le site. Maintenant, bon, vous avez acheté votre pyjama ou votre sac de couchage, peu importe, mais là, le seul moment où c'est vraiment le fun de porter un pyjama, tu seras d'accord avec moi probablement, c'est lorsqu'il sort de la sécheuse. C'est le meilleur moment. C'est vrai que c'est très agréable. C'est réconfortant. D'avoir un petit chocolat chaud puis son pyjama sorti de la sécheuse, c'est vraiment plaisant. Des guimauves. Puis des guimauves. Plein de guimauves partout. Ça, j'ai besoin de guimauves en tout temps. donc, il vous faut peut-être le pyjama warmer. Oh! Ouh, qui est un sac chauffé électronique, pas électronique, électrique, je pense que c'était assez évident, pour vos pyjamas. Donc, vous mettez vos pyjamas dedans, vous branchez le système dans le mur et ça réchauffe vos pyjamas comme si ça sortait de la sécheuse. C'est pas malade, ça? Ouais, c'est pas moins compliqué de le mettre dans la sécheuse pour vrai? Probablement que ce serait plus simple, oui. Mais j'imagine qu'avec ça, ton pyjama est chaud en tout temps. C'est vrai? C'est ça? Ouais, je pense qu'il y en a pas qui disaient de le mettre... Je pense qu'il y en a qui mettent leurs pantoufles, entre autres, dans le four, là, vraiment pas fort, là, tu sais. Il y en a qui font ça. Ah! Mais faites-le pas dans le four micro-ondes, parce que ça va sortir le popcorn. Non, c'est dégueulasse, faites c'est pas dégueulasse. Ça. Mais de toute façon, je vous parlais du pyjama warmer, mais les commentaires sur Amazon sont particulièrement mauvais. Il y a quelqu'un qui dit que ça a même pas réussi à réchauffer son pyjama après 30 minutes dans le sac. Beau boy. C'est pas un commentaire très... Dans ce show, ça fonctionne, par exemple. Ça va mieux, hein. Donc, c'est fait à 100% de Velboa Fleece, couleur rouge vin. Isolé 100% PVC avec intérieur en satin. Ça mesure 20 par 16 par 1 pouce. Donc le pajama warmer, c'est 40$ plus le shipping sur Amazon. Mais tu me donnes le goût de mettre mon pyjama dans la sécheuse. Ouais, vraiment? Ce soir. Ouais. Tous les soirs, en fait. Le petit peu de courant d'électricité que ça va te coûter à faire ça. Oui, à quel point ça va te procurer du bonheur. Ah, mais hein, des fois, faut payer pour être heureux. Hein? C'est le but même de la chronique, je pense. Exactement. En fait. Ça va pas bien, tu dépenses, ça va bien, ben tu dépenses ta félicité. Moi, seulement c'est ça, ça marche. C'est ça, je fais ça aussi avec la nourriture. Le fast-food, moi, c'est ma marque de commerce. ensuite, je sais pas comment apporter le sujet. On a parlé de pyjama. Voilà, je l'ai fait. Arc. On a parlé de pyjama tantôt, mais Caroline, il n'y a pas juste ça dans la vie, aussi les habits dans la vie. Une fois que tu arrives le matin, tu vas pas aller en pyjama à la job, même s'il y en a qui vont venir à l'université en jogging. Ça arrive, il n'y a rien là, je vous juge pas. Ça arrive. Mais mettons que les habits sont un petit peu plus classe qu'un jogging, ça. Mettons. Donc, ça dépend. Peut-être pas celui-là. Si vous voulez vous présenter à votre party de Noël tout en étant habillé d'un habit, parce que peut-être que c'était black tie, un petit souper cocktail classe, vous devez porter un habit. Ben, Colin, vous passez leur une petite vite en portant un habit de Noël. Avec les patterns les plus emballages de cadeaux possibles. On dirait vraiment que tu t'es fait emballer ton habit par quelqu'un pour une œuvre de bienfaisance aux rivières. Donc, le manteau, le jacket, les pantalons, la cravate, tout ça match ensemble et ça ressemble à un papier de Noël. Par exemple, le premier, c'est des carrés rouges et verts avec dessus des petits sapins en triangle. Uh-huh. Le deuxième, c'est un habit bleu avec des lignes rouges et blanches avec des flocons de neige. Mais style lainage, là, tu sais, t'as des rennes dessus, là. Exact, oui, des petits rennes qui ont l'air de gambader sur la neige. Et le troisième, c'est un habit majoritairement rouge avec des bonhommes de neige, des sapins, des gis. Il y a des faces de gis au loin, non? C'est des houx. Des houx? Comment? C'est quoi, du ça? Houx. Du houx? La plante rouge et verte. OK. C'est du houx. OK. Le gis, c'est un petit, avec un petit fruit blanc. Ah! Ouais, ouais! Ah, ouais! Mm-hmm. Oh, ben, cool! D'où le nom de Dr. Who, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. C'est le docteur, la petite plante. C'est-tu moi où tu dois être, de base, un homme extrêmement sexy pour bien paraître là-dedans? Je pense que oui. Ouais, faut que tu puisses porter absolument n'importe quoi de lait et que les femmes te trouvent sexy et séduisant quand même. Parce que c'est probablement le pire set ensemble que j'ai vu de ma vie de vêtements. J'aurais préféré les sous-vêtements de Ninja Turtles tantôt ou de super-héros. Avant ça. Non, facile. Mais je le regarde à gauche, là, puis... Il est sexe, hein, c'est ça, il est sexe. C'est la petite barbe, hein, c'est ça. Non, mais c'est juste l'attitude. Ah, les cheveux, là, comme... Ouais. Allez donc voir les photos vous-même sur assemblagehockey.com et procurez-vous ces habits de chez Chinesti. Chinesti! Tu t'es fait un Chinesti! Oh! OK, ça coûte 100$. C'est, bien! Et ça porte même le nom de Tacky Christmas Sweater Holiday Tree Suit, donc tacky comme dans... Kitsch. L'inventaire complet de ça s'est vendu tout au complet avant 15h le jour du Cyber Monday. Non. Après le Black Friday. Donc il n'y en aura pas d'autres pour 2014. En tout cas, de celui qui est en rouge, blanc et vert. Et les autres aussi. Il n'y en a plus. Dommage. Je cherchais justement quelque chose pour mon chum. Pour t'enlever toute envie de, avec du. sur le... on parle maintenant de lumière de Noël. Tant qu'à parler de Noël. Hein? Ben oui. Parce que ça s'en vient, c'est rendu là, même s'il n'y a plus aucune façon de rien acheter. Faut pas se mettre la tête dans le sable, ça arrive. C'est ça. Donc, ce nouveau système d'éclairage sur Kickstarter, c'est sûrement plus pour Noël prochain, Noël 2015. Donc, ça va être plus facile de décorer votre arbre de Noël. Ça s'appelle Aura, A-U-R-A. C'est une balle, une petite boule de lumière LED qui fonctionne sans fil avec un transmetteur électromagnétique et ça fit à l'intérieur ou à la base d'un sapin de Noël. Donc les lumières LED de Aura vont durer jusqu'à 20 ans. Ça vient en blanc ou en multicolore, c'est bien ça, c'est ça. La base de la boule est transparente ou encore givrée ou encore craquée. Il y a un effet craqué ou craquelé que tu peux avoir. Il y a une variante Wi-Fi aussi, où on peut mettre un timer ou par application sur le téléphone cellulaire. Ça va pouvoir paramétrer quand les lumières vont s'allumer et s'éteindre. On demande $65 américains sur Kickstarter pour recevoir un emballage de 12 boules de Noël. On voit dans la petite vidéo le modèle givré. En tout cas, je crois que c'est le modèle givré. Et la personne accroche la boule sur le sapin et les lumières s'allument automatiquement. C'est super beau. Je sais pas. On pourrait se débarrasser des lumières de Noël pour toujours. Et c'est sûr qu'il y a 12 pour 65$. Et ça, c'est le prix de lancement sur Kickstarter. Ça va être plus cher que ça dans le commerce, probablement. Ouf. Ça pourrait être cher pour un arbre au complet, mais un investissement qui dure pas mal longtemps parce que j'imagine que ça doit être fait un petit peu plus heavy duty. Étant donné qu'il y a de la technologie dedans, il faut pas que ça pète, ça tombe. Là, c'est des lumières LED dedans. Donc. Ouais. J'imagine, et j'imagine aussi qu'ils doivent dire exactement ça dans leur petit speech de vente dans la vidéo sur le site. Le lien sur le Kickstarter, c'est Aura, the first ever wirelessly powered Christmas lights. C'est un petit nom court là, pour leur tenir. Ouais, catchy, comme on l'appelle. On reste dans les lumières de Noël, encore une fois, mais elles sont... on reste dans ce qui est contrôlé par téléphone cellulaire, sauf qu'ici, c'est une guirlande de lumières de Noël et non pas des boules. On a parlé un petit peu il y a quelques semaines de ça. C'était, c'était une petite bande de lumière. C'était minuscule, c'était comme un mètre de long qu'on pouvait brancher par USB. Oui. Donc là, c'est le même genre, mais plus long et contrôlable par téléphone cellulaire. Wow. Donc, c'est avec du tactile, bien sûr, que ces lumières-là vont être contrôlées, avec des grosses ampoules quand même dessus. Et on peut personnaliser la couleur et les effets de lumière pour créer l'ambiance parfaite pour 80$. Ah, c'est très intéressant pour pas si cher que ça, on s'entend là. Ça a l'air, son arbre a l'air quand même grand aussi, donc j'imagine que c'est le nombre de lumières qui vont fitter dans cet arbre-là. Pas nécessairement. Non, qu'est-ce qu'il dit qu'il y a pas 2-7 là-dedans? Puis on n'est pas à TV, tu sais, à TV, il y aurait des petits caractères en bas de l'écran qui diraient on a utilisé 3 ensembles. C'est ça, ou n'essayez pas ça à la maison. Ouais. Mais sur le web, on n'est pas friand de mettre des petits avertissements de même. Non, parce qu'on a le temps d'y lire. Oui, et parce qu'on n'est pas obligé de le faire alors qu'à la télé, il y a des lois par rapport à la fausse publicité. Oui, il y a ça, les lois, c'est de même, ça existe. Si vous avez été vraiment pas gentil, méchant, mi-chiant pendant l'année, vous n'aurez pas droit à des cadeaux, vous allez avoir droit à du charbon, comme les histoires de Dickens ou peu importe le disait. Donc, le Lump of Coal, le célèbre Lump of Coal. Mais cette fois-ci, vous pouvez vous gâter avec des Lump of Coals, des bouts de charbon en chocolat. C'est en fait du chocolat au lait, c'est des boules de chocolat au lait, des milk chocolate, hot chocolate balls, donc à saveur de chocolat chaud, en forme de morceaux évidemment de charbon, enveloppés dans du papier d'aluminium noir brillant pour avoir l'air encore plus de charcoal. Chaque emballage est avec 3 bouts de charbon et un gros, une grosse étiquette pour rappeler à la personne qu'elle a été méchante pendant l'année. Ça coûte 9$ pour l'emballage de 3. Mais c'est correct, ça me dérange pas d'être méchante pour avoir du chocolat. Hey, ça fait-tu dans le bon Noël, ça, là? J'en prends qui n'est pas lequel, mais faut faire attention, hein. Si vous mettez vos bonnes Noël au-dessus du foyer, ça peut fondre dans le bas. Ça fait des traces de break dans le bas, là, dans le bon Noël. Yeah, boy. On reste, pour l'instant, on quittera jamais, on dirait, Noël, hein. C'est des boules de Noël Golden Snitch, un peu comme les Snitch dans Harry Potter. Le vif d'or. Le vif d'or. Oui, vif d'or. En effet, pourquoi vif, je sais pas, mais quand même. Mais parce qu'il est vif. Puis snitch. Mais je me sais pas, moi, je l'ai écouté en français. Un snitch, c'est quelqu'un qui stoule quelqu'un d'autre. Ça veut comme pas dire la même chose. Enfin bon. Donc, il doit avoir une autre signification, certain. Probablement. Donc, c'est des boules, en fait, qu'on peut faire à la main. Je vous ai passé le lien sur assemblagerequis.com. C'est pas un produit qu'on peut acheter, mais on peut facilement reproduire ça avec des choses, j'imagine, qu'on peut acheter sur Internet. Donc, c'est un guide facile à suivre. Qui est en référence sur le site. Ensuite, je suis pas bonne de mes mains, je peux pas faire ça toute seule. Moi. On veut pouvoir acheter tout nous-mêmes. Hein? Oui, je veux l'acheter fait. Mais je pensais vraiment que c'était fait à l'avance, j'avais pas vu que c'était kit à faire sûrement. Ensuite, on va passer à l'alcool un petit peu parce que quand il est le temps des fêtes, il y a un moment approprié pour boire de l'alcool pour oublier les blagues plates de votre mononcle ou les repas plutôt fades de votre grand-mère. C'est un manteau pour boire, le Drinking Jacket par Zane Emprey. C'est pas malade ça. Donc, c'est bon, il y a plein de poches. En fait, j'en compte 12 poches. Probablement parce qu'il y a 12 affaires décrites dans le coin pour me mais dire. Mais je vois pas 12. Le numéro 12 sur le manteau. Il était en arrière. Ben là. Ah, attends, on va y aller en ordre. Donc, t'as une poche à bière en néoprène. Ok, c'est pas des poches pour mettre l'alcool. T'as les manches. En fait, les manches sont empêchent de glisser pour tenir mieux, j'imagine, une bouteille d'alcool. T'as une mitaine pliable pour boire. Donc, j'imagine une mitaine qui a un espace pour mettre de l'alcool dedans. T'as un zip qui sert aussi d'ouvre-bouteille. Bien, bien. Une poche qui sert à cacher une flasque d'alcool. Trois poches à l'intérieur du manteau. Donc, c'est caché parce qu'elles sont à l'intérieur. T'as une poche pour montrer ta carte d'identité. T'as une poche profonde sur le côté pour mettre, j'imagine, une grosse bouteille. T'as un truc pour tenir tes lunettes de soleil. T'as un logo réfléchissant. Un couvre-zipper. Et t'as un capuchon. Je sais pas si c'est confortable ou genre, je sais pas ce que ça veut dire, lined hood, mais bon, on s'en fout. Donc, c'est ça. Le drinking jacket. Ça vous aide à boire mieux dans votre vie. 85$ avec tout plein de place pour mettre de votre alcool. C'est sur Kickstarter, ça demande des fonds en ce moment. On va aller voir si ça a dépassé son but. Mais ça, je veux dire, le manteau, tu peux pas le garder à l'intérieur, là, parce que moi, chez ma grand-mère, à Noël, il fait chaud. Le poêle à bois, il est entre le salon et la cuisine. Ça, il va falloir que tu commences à fumer pour aller sur le balcon, je pense, pour pouvoir mettre ton manteau et aller boire ton alcool. Oui. Je pense que ça a du sens. Ben oui. Ils sont à 242 000 sur 50 000, donc ça a vraiment beaucoup dépassé. Il y a plusieurs couleurs, il y en a trois. T'as couleur charbon. Ça dit pas si c'est charbon chocolat, comme tantôt. Merlot, ça c'est un Bourgogne. Et charred oak, ça c'est un genre de noir, un gris très très très très foncé, presque noir. Quand même très proche de charcoal. Pas mal aussi quand même. Les deux sont beaux, j'ai tout le temps la misère à choisir entre un gris plus ou moins foncé et un gris encore plus foncé. Je trouve les deux sont tellement beaux, je joue les deux. C'est bon. Donc le drinking jacket, voilà. Ensuite, on reste dans l'alcool. Lorsque vous avez bu dans votre manteau chez votre famille, vous devez savoir si vous êtes capable de conduire. Mm-hmm. Donc, il vous faut le Breeze Breathalyzer, qui est là pour vous aider. C'est un sensor électrochimique sur ce gadget qu'on peut mettre dans sa poche et qui va donner des résultats qui sont comparables à ceux que la police vont pouvoir avoir avec leur breathalyzer. C'est intéressant. C'est bien. Hein? Ça va t'envoyer les résultats sur l'application qui, par Bluetooth, ça va t'envoyer sur ton téléphone cellulaire le résultat. Ton indice de sang dans le l'alcool dans le ton sang. Ton indice de sang dans l'alcool. Taux d'alcool dans le sang. Le TAS. C'est ça qu'on dit? Le TAS. Je sais pas. En tout cas. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Pour peut-être pouvoir sinon vous appeler un petit numéro. Peut-être préciser que c'est un porte-clés. Ah, t'as bien raison, c'est un porte-clés. Hein, tu peux mettre tes clés de voiture après. C'est vrai. Comme ça, avant de partir, tu le vois. Puis là, tu dis, oh, peut-être que je devrais souffler dans la balloune. Parce que t'es un peu en forme de balloune. C'est très drôle. C'est une forme de balloune dégonflée. Bon point, une balloune dégonflée. C'est cool. Donc, ça coûte 100$. C'est pas dispendieux. Pour ce que ça fait, si vous buvez beaucoup. C'est ça. Mais même si vous buvez pas beaucoup, la fois que vous en aurez besoin, vous vous poserez la question. Ben, vous l'aurez. Puis ça peut servir aussi à vos amis si des fois ils se posent la question. Moi, je pense que c'est un bon investissement, ça. Ouais. Là, on mélange un petit peu l'alcool et le thé. Là, peut-être que vous voulez vous calmer un petit peu après avoir bu beaucoup d'alcool. Oui, prendre un peu de caféine. Ben oui, ben c'est ça. Ben c'est pour couper les effets de l'alcool, hein, de la caféine. Ça fait juste empirer la chose, hein, c'est ça. Ça change rien. Ça change rien. Donc, ben c'est ça. Pour boire du thé et avoir l'air de la personne la plus importante dans la pièce où vous vous situez, c'est le High Tea Cup. C'est une tasse de céramique qui ressemble aussi à une coupe de vin. Donc, dans le fond, t'as la base d'une coupe de vin et ça monte avec la tige jusqu'à une tasse de thé. Et t'as l'anse de la tasse de thé pour boire avec. Donc, tu peux choisir, est-ce que tu bois avec la portion plus bol d'une tasse de thé, avec la lanse ou encore avec la tige. Je la trouve super belle. Vraiment, c'est cute à mort. High Tea Cup. Ça inclut aussi la soucoupe qui va avec. Ah! Est-ce que ça inclut le petit biscuit? Ça inclut pas le petit biscuit à thé. En fait, si t'envoies un biscuit musulman. Non, c'est pas. ouais, non. 19,95$ sur Amazon.com. 6 pouces de haut en passant. Ensuite. Juste 6 pouces. Ouais, 6 pouces. Un demi. Donc, si vous savez pas quoi boire, Steph, à un party des fêtes, il y a une sélection d'alcool parce que vous êtes chez quelqu'un qui, Colin, collectionne l'alcool et ça lui dérange pas de... Ou qui est alcoolique. Qui est alcoolique et qui veut partager avec vous. Donc, vous n'arrivez pas à décider quoi boire. C'est simple, achetez les Mixology Dice. C'est des dés en bois avec chaque ingrédient que vous pouvez combiner ensuite pour faire des drinks. Ah, c'est le fun! Donc, tu lances, mettons, des cubes de sucre et t'as de la tequila et de l'orange. Puis là, tu mélanges ça ensemble, ça te fait un tequila à l'orange avec du sucre dedans, tu sais. Ou le nom plus fancy, j'imagine. 24$ pour ces dés-là. Est-ce que ça dit combien de dés viennent dans l'ensemble? Ça doit être 4. C'est 4. Ça vient dans une petite poche. En plus, un petit sac pour transporter vos mixages. Et ça te donne aussi les proportions. J'ai l'impression que le petit chiffre au-dessus, c'est le nombre d'onces. Donc, un once de tequila. Encore ici, t'as 2 cubes de sucre. 8 cerises. Des cherry bitters. Je sais pas trop ce que c'est, mais je connais pas trop... les affaires d'alcool. Ouais, non, ça doit pas être des cerises, ça doit être de la liqueur aux cerises, j'imagine. Donc, c'est 24$ pour l'ensemble de 4. Ensuite, on reste à boire un petit peu. On se sent un petit peu plus enfantin. Et on veut se construire un manège. Ça peut être à alcool ou à jus, à n'importe quoi. C'est des pailles qui se connectent ensemble. Donc, c'est un ensemble de construction, si on veut. de la paille la plus folle possible. Tu sais, les crazy straws, les pailles qui sont comme en tire-bouchon, qui vont passer en lunettes, que tu vas mettre dans la face. Bon. Hey, j'aimais ça, mais c'est parce que c'est pas lavable. Non, c'est dur de laver à l'intérieur, en effet. Donc, ça va être la même chose pour ça. Et ça vient avec des coudes et des bouts de paille. Donc, les coudes sont là pour faire la transition entre les coins. Ici, ben, il a fait des petites courbes, des loops. Et après ça, des coins. Puis ça vient de tout bord de côté jusqu'à ce que ça se rende dans son drink qui est bleu. Donc, sûrement, une tequila au Mr. Freeze bleu. Ça a l'air bon. J'en veux de ça. 8,95$ pour cet ensemble. Ouf. Ouais. Mathieu, pas si pire. Ça a inclus 17 morceaux. On va passer. Il appelle ça le Epic Super Slurper. Laver avant utilisation. Et après? Et après. Vous êtes encore une fois au party, vous avez bu beaucoup et là vous avez besoin d'un petit jeu parce que Colin, les gens n'ont plus rien à se dire. Une fois que ça parle de politique puis de religion, puis tout le monde se chicane. Là, il faut qu'on ramène ça au plaisir en lançant des canettes de bière écrasées sur d'autres canettes de bière pas écrasées. On joue aux quilles, au bowling de canettes de bière. OK. Ouais. Donc, à la place de faire des pyramides, c'est tellement passé comme idée. C'est le Beer Can Bowling Set, du plaisir instantané. On n'a qu'à déplier l'allée de bowling et mettre 6 canettes de bière vides. On peut aussi utiliser des canettes de boissons gazeuses, bien sûr. T'en prends une 7e, tu l'écrapoutes. Et ça, ben, ça sert de boule qu'on va envoyer, qu'on va tirer pour essayer de faire un abat. Dancing Queen. Ouais, mais t'as pas besoin du pad en forme d'allée. Absolument pas, mais ils feront pas d'argent à la compagnie si t'achètes pas leur petit pad. Faut pas oublier ces affaires-là dans la vie, c'était. Aussi, j'imagine que, étant donné qu'il y a des côtés à l'ensemble, dans le fond, t'as un plancher, un genre de faux plancher en carton vraiment qui a l'air super cheap. Et au bout, t'as deux petits côtés en triangle et un bac, donc un arrière plan. Donc j'imagine que ça empêche aussi d'acheter les canettes aille partout dans le salon pis que ça fasse un vacarme. C'est pour contenir le. On s'en fout, t'es sous. T'es sous, tout le monde est sous. Ceux qui sont pas sous, ben Caroline, sont mormons. Tu joues pas à ça quand t'es pas sous, là. 12$, 3 pieds de long. Pour mettre l'ennui au dallo, nous dit le slogan de ce party bowling. C'est-tu pas joli? Ensuite, ben Caroline, là, on a joué, cette année, on retourne boire. Ouais, c'est ça. On retourne boire et on veut des verres. Ben là, on est rendu tellement sous qu'on passe proche de renverser nos verres. Mais une chance, on s'est acheté les Saturn Spill Proof Glasses. Qui sont des verres qui sont impossibles à renverser, Steph. Impossible. Ben, impossible jusqu'à une certaine limite. Là. Ouais. Mais c'est que les verres peuvent se mettre même sur le côté. Donc, c'est comme des. Imaginez le dessus d'une coupe. Donc, un verre bombé, si on veut. Et on peut le mettre sur le côté. Et même si on le met sur le côté, tout ça va tenir. Donc, c'est un design fait en Californie à la main. Tu peux le pousser sur les côtés. Ça utilise une certaine force, là, une force de la physique là, que je connais pas trop. Ça. C'est pas de la magie, mais c'est une certaine force de la nature qui empêche. C'est pas de la magie, merci de préciser. Ça me fait plaisir. C'est un peu le même principe que les clowns gonflés. Là, exactement qui reviennent ça. Toujours debout. C'est exactement ça. 52$ pour un seul verre. Mais la technologie, elle s'est faite à la main, tu sais, puis tout ça. Puis la science, faut quand même payer ça, la science. Étant donné la grande demande, ils sont présentement en backorder. Vous pouvez en réserver pour la prochaine production. Ouais. Étonnant. Si tu vas sur le lien qui est, je crois que c'est en bas, si tu cliques sur Super Duper Studio, tu peux voir une petite vidéo démonstration de comment ça fonctionne et aussi voir de côté le verre, comment il est fait. Il y a dans le fond, on le voit pas sur la photo, sur l'article principal, mais il y a comme une forme particulière dedans qui fait que ça tient. Bref, allez voir l'article pour en savoir plus là-dessus. Et finalement, tu sais, les enfants eux aussi ont le droit de boire peut-être pas de l'alcool, mais d'acheter des boîtes de jus à chaque semaine, ça commence à coûter cher. Ouais. T'sais, donc à la place, peut-être aimerais-tu te faire du jus pas cher, en poche, puis les mettre dans une boîte à jus réutilisable. C'est une boîte de plastique à jus. Pourquoi pas avec une paille intégrée. Donc ça dit être une alternative santé aux boîtes de jus beaucoup trop sucrées. Là j'imagine que c'est parce qu'il faut que tu te fasses un jus santé. Mais c'est non, c'est ça, ça n'a même pas rapport. La boîte est pas santé, mais bon. Donc c'est ça, c'est un contenant de plastique à 12$ que vous allez remplir vous-même. Plusieurs clients de cette boîte de jus-là se sont plaints que la boîte se défaisait en morceaux, laissant leurs enfants avec des morceaux de plastique coupants. Ah, génial! Aussi, le plastique n'est pas super écologique comparé avec les autres bouteilles peut-être de vitre qui, elles, seraient plus recyclables. Donc, c'est entre autres des bouteilles de stainless steel, de 8 onces qu'on peut acheter sur Amazon. Il y a un lien sur assemblagejockey.com dans l'article. Donc, peut-être pas à conseiller cette boîte de jus qui s'appelle Juice in the Box. Voilà, c'est tout, j'ai déjà terminé. Mais c'est parce qu'on aime ça parce qu'elle a la forme d'une boîte de jus. Ben c'est ça l'avantage principal. C'est le seul. Oui, en un stainless steel, t'auras pas ça. Puis stainless steel, c'est dur à laver à l'intérieur aussi. Pourquoi? Il faut s'acheter une petite brosse, genre, toute mince, parce que souvent le goulot est très très mince. Toujours trouvé ça plate mais à laver. Mais je sais pas, j'en ai pas. Toujours trouvé ça plate. M'intéresse pas. Bien. Je m'entorche. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles. Les liens sur assemblagehockey.com, comme si on l'a pas dit une trentaine de fois depuis le début de la chronique. Yay! Terminons la chronique. Étant donné qu'on a besoin d'argent, peut-être que pour se faire de l'argent, on pourrait vendre nos produits en or. OK. Comme Lisa Leblanc. Money for gold. Money for gold, comme Lisa Leblanc le fait avec Gold Diggin' Hoedown. Sur C'est fou, assemblagehockey. Digging Hold Down de Lisa Leblanc, assemblage hockey. On prend une pause au retour, c'est enfin Master Steph. On va manger ensemble et on va savoir comment peut-être faire tout ça pour manger. Parce que vous autres à la maison, vous n'êtes pas en studio, fait que vous n'avez pas droit à l'échantillonnage. Ah. Malheureusement. Ah. Jaloux much? Fou d'exploration. Sur le campus. À Trois-Rivières, c'est le 96.9. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. De retour à l'assemblage Rocky, il est déjà 9h en ce mercredi matin du 17 décembre 2014 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, on est enfin arrivé à la fin de l'émission du mercredi, notre moment adoré où on peut se permettre de se remplir le ventre de choses faites à la main. C'est ça qui est le fun de la chose. Non, à les mains. J'ai pris les deux. Tu l'as fait avec tes mains. Ah. Voici Master Steph. Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Oh, yeah. Mathieu. Steph. Tu sais, il y a des semaines où

Franchement. Franchement. Hey, c'est tout. T'es tellement astuces, newbie. Tellement newbie, tellement pas connaisseur de ces affaires-là. Mais on te remercie pour Master Steph, on te remercie pour les trucs astuces, on te remercie pour tout ce que tu fais. Tout! Hein? Tout! Tout! Ben, pas tout, tout, mais tout. OK. La plupart de tout, tout. OK. C'est bon. Master Steph, c'était la dernière de la série. Truc et astuces! Truc et astuces! Truc et astuces! Et après qu'on fait longtemps. Donc Master Steph, c'est on fait l'émission les mercredis qu'on faisait ça là. La saison prochaine, on verra bien où ça donne à être les chroniqueurs, parce qu'à un moment donné, nous on remplit les slots que les chroniqueurs apprennent pas. Hein? Non, moi j'étais à mon mercredi. Pas sûr. On va voir. Hey! on va voir. Hey! Hey! Oui, pas sûr. Donc Master Steph, et en passant. Pendant les fêtes, on l'a dit hier après une grosse pointe d'adresse, notre autre chronique alimentaire, mais on va le dire ici aussi pour ceux que ça intéresse. Pendant les fêtes, les 22 et 23 décembre 2014, il va y avoir deux émissions spéciales de Master Steph et une grosse pointe d'adresse mélangées ensemble. C'est pas sous aucun format de palmarès, là, on n'est pas du genre à travailler tant que ça non plus. On a juste pogné les chroniques et on les a sapristiés dans le. Là, dans tu le dis on, c'est on qui exclut la personne qui parle pas. Qui exclut la personne qui ne parle pas. Là, pas pendant que tu le disais, parce que là, c'était... Mais non, mais c'était toi qui utilisais le « on ». Avec les guillemets, puis ouais, c'est ça. Moi, mettons. Donc, c'est moi qui ai monté ce petit montage-là de deux émissions de 3 heures différentes. Donc, 2 fois 3 heures. Deux fois 3 heures. Sur les chroniques « Une grosse pointe d'adresse » et « Master Steph » ensemble. Quand même! Presque toutes! Wow! Presque toutes! Ouais, il y en a qu'on a perdu. C'est ça, mais c'est pas notre faute. Donc, soyez-y les 22 et 23 décembre, de 6h30 à 9h30 dans notre case matinale au complet, toi. Oh, c'est rare qu'on la prend au complet, le 3h au complet. Live. Ben, pas live, mais du nouveau stuff. Voilà, je disais que c'était tout pour Master Steph, mais ça veut pas dire que c'est tout pour l'émission. Il nous reste encore de la place. Non. Pour une petite chanson, on s'en va entendre du Dead From Above 1979. Ah oui, bonne idée. Moi, on dit que c'est bon. Je vous fais entendre Trainwreck 1979 tout de suite. Puis on vient après pour se dire au revoir. C'est faux. I'm never satisfied. The problem with my From Above 1979 et Trainwreck 1979 à Assemblage requis. C'est là-dessus que ça se termine pour aujourd'hui. Non! Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 pour une toute nouvelle édition d'Assemblage requis. Demain, on aura Laurent Constantin et Déchiffrons Campus, ainsi que Justine Renaud avec sa chronique musico-scientifique Justine Persil. Les deux m'ont confirmé leur présence pour demain. Wow! C'est super, ça, jeudi matin. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 14h, c'est Palmarès, c'est fou, que j'anime avec Jean-Philippe Charbonneau. C'est une édition spéciale. C'était fou en 2014, deuxième partie. Et plus tard, à 18h, je sais qu'on a Audiomatique, au minimum. Pour le reste, allez voir cif.ca, puis fiez-vous pas trop. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci, Steph. Merci, Mathieu. On remercie aussi les gens de Rent. Alexandrine et Gabriel. Exactement. C'est ça. Merci à eux. Et on les retrouve vendredi et samedi à la salle Anaïs Allard-Rousseau dans la comédie musicale Rent. On se quitte sur une pièce de Le Couleur, c'est Concerto Rock. Oh! À demain! Oh! Bye!